طيب هون تقريبا هون يجي كن يبي بادو مجال للرأي صح؟ شو لك هون يفه؟ نو؟ استلاكي القاعدة C'est à quelle page, toi, dans celui-là? Je vous apprends des chiffres en arabe, j'ai vite fait, je vous les apprends. 5, 5, si vous voulez, tout de suite. Hein? 170, ouais, voilà, c'est ça. C'est cette page, la qaïda thaniya, c'est ça? Ouais, voilà. Parce que l'autre, on l'avait terminé. Alhamdulillah, vous vous souvenez? Bon, le jism, on a expliqué. Hein? Le jism, le jihad, ça, on a expliqué. Dès le départ, qu'est-ce qu'on dit? Hein? On n'emploie pas ces mots-là. Direct, ils ne sont pas venus dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, si tu veux dire que c'est ça ou c'est ça, ben là, il y a certains qui ont dit ça, il y a certains qui ont dit ça. Ah, la Kulihan, on a donné le tafsir la dernière fois. Mais moi, je vous dis, dès le départ, à la base, je dis non, moi, je n'utilise pas une parole qui n'existe pas dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Pourquoi? Puisque, étant donné que cette parole, elle peut avoir plusieurs sens et interprétée dans un mauvais sens, moi, je l'évite, dans tous les cas. Mais, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, quand ils rapportent cela, c'est pour montrer leur justice. Pour dire que même avec les terminologies, même avec les termes, ce n'est pas des injustes. Ce n'est pas des injustes, ce n'est pas des dhalimines. Donc ils vont dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? D'accord? C'est dans le niqash. Si c'est ça, si c'est cette parole-là, cette parole qui va interpréter le jism ou l'autre, el jiha, si ça, on peut lui apporter un ma'na de haq, un ma'na de vérité pour là, le ramener vers aqidat ahl sunnah wal jama'a comme daroura en fait, hein, comme si c'était une daroura, comme si c'était un besoin, là on va peut-être le faire, mafoum, mais sinon à la base, non, à la base, non, j'ai dit ces termes-là, il ne faut pas les utiliser, mafoum, ikhwan, on cède le bœuf. طيب ensuite il dit qa'ida thaniya al wajib fi nususi al qur'ani wa sunnah ijra'uha ala zahiriha دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. طيب dis ça en français ouais. Donc à la base, on prend les textes, quoi, dans leur sens apparent. Ce qui apparaît. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « bal yadahu mabsoutatan », mais plutôt ses mains sont ouvertes. Les mains d'Allah sont ouvertes. Mabsoutatan. Qu'est-ce qu'on dit? On le prend sur son sens apparent et on dit qu'on affirme cette sifa-là. Il te dit « oui, mais c'est un membre, mais ça veut dire que tu l'as fait ressembler aux créatures. » Il a dit « qui t'a dit ça ?» Nous on dit « laysa kamithli shay wa huwa as-sami'u al-basir ». Allah nous a dit qu'il y a yed, je comprends c'est quoi le yed, et khalas. Uthbituha lillahi subhanahu wa ta'ala. Je la ferme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu restes, toi, la base des textes, c'est le sens apparent. Et ce n'est pas le sens figuré, comme on pourrait faire croire. Hein? Et les Asha'ira, eux, directement, ils disent pourquoi ils sont passés de yed, c'est-à-dire qui est les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui donnant le tafsir de quoi? En lui donnant le tafsir de quwa, c'est-à-dire de force, au lieu de dire que c'est la main, ils ont dit que c'était la force. D'accord? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont fait un raisonnement analogique directement, un raisonnement analogique qiyasi, mais qui est nul. D'accord? Pourquoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, si tu dis ça, ça veut dire que tu as fait, c'est un membre. D'accord? Le aql n'accepte de la main que ce qui ressemble à une créature. Ça veut dire que tu as fait ressembler à une créature. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est leur aql encore. Ils se sont imaginé quelque chose et ensuite, de peur de rentrer dans le tashbih, c'est-à-dire dans le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, ils ont fui et ils ont donné un autre tafsir. Ils ont dit al-quwa. D'accord? Ils ont dit al-quwa. Pourquoi? Parce que chez les Arabes, la main veut dire aussi al-quwa. Donc on est obligé de quoi? On est obligé de faire, hein, d'interpréter le texte de cette manière-là et pas autrement. Et nous, on leur dit quoi? On leur dit, ça, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, خَلَقْتُكَ بِيَدَيَّ الْمُثَنَّ. Je t'ai créé avec quoi? Avec mes deux mains. Taïb, c'est quoi? C'est ses deux forces. Donc Allah, il n'a que deux forces. Vous avez compris comment il leur a fait le rad, hein? Et même de dire ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est à eux de ramener un dalil sur ça. Est-ce que les sahaba ont eu le même raisonnement analogique que ces gens-là. Kalla wa hasha. Hasha lahum. Est-ce que les sahaba, les compagnons, ont eu le même raisonnement analogique que ces gens-là? Moi, je pose la question. Non. Directement, ils ont su c'était quoi l'yed d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont attribué, ils l'ont affirmé. Et khalas. Laysa kamithlihi shay. Wa sami' al-basir. Et le fait de dire quoi? Et le fait de dire que c'est forcément une ressemblance aux créatures, nous, on vous dit non. Pourquoi? Parce que deux mains peuvent être attribuées à deux créatures sans que l'autre ressemble à l'autre. Sahalala. La main de la fourmi, ou plutôt la main du singe, ne ressemble pas à la main ou la patte de l'éléphant. Il a akhéré. Sahalala. Ça, on peut l'attribuer à quoi? Entre deux créatures. Que dire alors du créateur et qui? Et de la créature. À plus forte raison. Le créateur ne ressemble pas à la créature. Vous avez compris, Inch'Allah? Vous avez compris? C'est vite fait en vérité avec eux. Mais le problème, c'est que ils ont fait quoi? Ils ont trop avancé le aql sur les nosos. Ils ont trop ramené le aql sur quoi? Sur les nosos. Nous comprenons des nosos que cela. Nous comprenons des nosos, des textes que cela. Que la ressemblance. Nous leur dit non. Mais les Jahmis, ils étaient pires. Eux, ils ont dit non. Ils ont dit Sami' bila Sam'a. Non. Pourquoi? Parce que si tu dis Sam'a, forcément tu l'as fait ressembler. Ils se sont arrêtés directement. Ils ont dit Nuthbit al-Ism. On affirme le Ism, puisqu'Allah s'est affirmé le Ism. Mais là, Nuthbit al-Ma'na. Donc, Al-Yad, c'est pareil. Ils vont dire Al-Yad, Nuthbit. Al-Yad, mais Walakin, c'est pas des mains. Il n'y a pas de mains. Y a pas... ou alors, les pires, on a dit c'était qui? C'était Al Mufawwida. Vous vous souvenez, c'était dans le dernier cours, on a dit que le pire c'était qui? C'est le Mufawwida. Il dit ces textes-là, tu ne rentres même pas dedans. Parce que si tu rentres dedans, tu vas. Et ils n'ont pas de ma'na ces textes-là. Pas de ma'na, la ma'na. Voilà, pas de sens. Subhanallah al-Azim. Et en disant qu'ils n'ont pas de sens ces textes-là, pourquoi alors ils sont aussi multiples? Pourquoi ils sont aussi multiples? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va. Comment on va reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est pas. Par ses propres noms et ses attributs. Comment on va faire, nous? Comment on va reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala? Si à travers la rahma, c'est à travers le sens du mot Rahman que je vais comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fait miséricorde. C'est à travers le mot Basir, clairvoyant, celui qui voit tout, que je vais comprendre qu'il ne faut pas que je fasse de péché puisqu'Allah me voit. Etc. Vous avez compris? Alors de venir et de me dire que ces noms-là existent sans aucun sens, ça n'a aucun sens. Vous avez compris? C'est ça qui a aucun sens. Ensuite il dit: Wa dalilu dhalika as-sam'u wal-aql. Amma as-sam'u fa qawluhu ta'ala. Fa ka qawli non. Fa qawluhu ta'ala nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. طيب lis ça. Les preuves à ce sujet sont le Coran, la Sunna et la raison. Entre le Coran et la Sunna, il y a la parole du Très-Haut. L'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs en une langue arabe explicite. Donc, en une langue arabe explicite, cela prouve que les textes, tu dois les prendre dans leur sens apparent. Puisque le Coran est explicite. Le Coran suffit comme preuve en réalité. Vous avez compris? Le Coran, il est explicite. La preuve du Coran suffit pour suffit à celui qui recherche la vérité. Vous avez compris ça, mes frères ? Le Coran suffit à celui qui recherche la vérité. Par contre, celui qui ne recherche pas la vérité, le Coran sera un châtiment d'Allah sur lui. Parce qu'en réalité, c'est des preuves qu'il prend contre lui. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi sallam, dit « Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk » Le Coran est soit une preuve pour toi ou soit contre toi. Donc ici, lorsque le mubtadi', il vient, il dévie, le texte il te dit « Non, ici, la main d'Allah, c'est autre chose. » On lui dit « Non, la parole d'Allah est claire. C'est yada. » Tu dois dire quoi ? Tu dois dire « C'est des yad » qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est attribué à lui-même, et tu ne dois pas aller plus loin que le texte. Et si tu vas plus loin que le texte, tu nous ramènes le dalil. S'il te dit « C'est ma compréhension » ou la compréhension de mes chouyours, on nous dit « C'est pas la compréhension des sahaba. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a zakki, a purifié quoi ? La compréhension des sahaba. Et tu dois suivre la compréhension des sahaba, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ » Et il ne suit pas quoi ? Le chemin de des croyants. Et on le punira par par l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, il se doit de quoi ? De prendre le texte sous son apparence. Et après, s'il ne comprend pas une chose, là, il cherche. C'est ça, la règle. C'est d'abord, les textes, ils sont clairs. Je ne vais pas chercher ce qui est clair. Je vais chercher ce qui... Je n'arrive pas à comprendre ce qui est subtil pour moi. Sah, là. Sah. Et là, il dit encore. Continue. Certes, nous l'avons fait descendre pour un Coran arabe. Certainement, au régime. Khalas. La'allakum ta'qiloun. Donc là, il montre encore que le Coran, il est arabe. Dans une langue arabe. Et la langue arabe, c'est la langue la plus explicite. C'est la langue la plus claire, la langue arabe. La langue arabe, subhanallah, quand tu vas étudier bien comme il faut la langue arabe, tu vas comprendre que cette langue-là, subhanallah al-azim, Allah il n'a pas choisi cette langue-là pour son message, pour rien. Wa hachalillah, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Il l'a choisi bien pour quelque chose, pour montrer pour montrer la clarté de son message. D'accord ? Et pour d'autres choses. Mais Allah, il est hakim, dans tous les cas. Et voilà. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, à la base, tu dois rechercher ce que veut dire là, ce verset-là, tu dois le rechercher à travers quoi ? À travers la langue arabe. C'est pour ça qu'il est rare que le prophète, alayhi sallam, a fait le tafsir de quoi ? Du Coran. Vous ne verrez pas beaucoup de tafsir du Coran de quoi ? De la parole du prophète, alayhi sallam. Sahalala. Vous verrez que, par exemple, « Lilladhina ahsanu husna wa ziyada » Husna wa ziyada, par exemple. Il a dit, ziyada, c'est quoi ? C'est nazar ila wajhillah. Pour ceux qui ont été bienfaisants, Allah leur donnera quoi ? Al-husna, c'est-à-dire le paradis, wa ziyada. Hein? Ziyada, c'est quoi ce rajout-là ? Ils ont posé la question au prophète, alayhi sallam. Il a dit, c'est le nazar, c'est le fait, la vision d'Allah. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ziyada, c'est quoi cette ziyada ? Voilà, là, ça a besoin d'un tafsir. Mais, fa'ulaika humul kafirun, al-zalimun, al-fasiqun, al-kada, ça c'est clair ou c'est pas clair ? Ça c'est clair, khalas, l'arabe il savait, il connaissait ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Vous avez compris ? Donc, à la base, on se base sur le message, sur sa pureté, sa clarté au niveau du lisan arabi. C'est pour ça qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui était le plus grand des mufassirines, un des plus grands mufassirines que le prophète alayhi sallam a fait dua pour lui, il faisait le tafsir de la langue, du Coran qu'avec la langue arabe, beaucoup. Et c'est pour ça qu'il écoutait les ash'ar, les poèmes des Arabes, afin de s'instruire dans la langue arabe et afin de faire le tafsir de quoi ? Hein ? De faire le tafsir des ayat. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, c'est celui qui, celui qui comprend l'arabe comprend clairement le Coran. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Celui qui comprend l'arabe, il ne va pas faire du shirk. وَلَا تُشْرِكْ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشِرِكُ بِهِ شَيْئًا خلاص فلا تدعوا مع الله احدا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا خلاص سي كلير ميم لي عوام ميم لي عوام يديز وبالوالدين احسانا صح ولا لا يكونس فيغسي لا فلا تقل لهما اوفين الكونس هو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بوكو الكونس زي كومبري ها يكونس كو سون لي زارونج ها الله المستعان زي كومبري سا دونك سا سا بروف كو سا بروف كو لو قران اي لي كو Il est واضح. وقد ذم الله. Vas-y, continue. Pourquoi il dit les Hébreux, chauffe. Les Hébreux, les Yahoud, les Juifs, où je fais. Hein, pourquoi il traduit ça comme ça? Les Hébreux, ça c'est une langue, ça quoi. C'est un peuple, mais c'est pas les Yahoud, c'est les Juifs, ça. خلاص. Pourquoi on n'appelle pas les Yahoud, les Juifs, les chauffe. Une fois, ils ont fait quoi dans un livre? Ils ont enlevé carrément tout en fasl sur le signe de la fin des temps. Ils ont enlevé tout ce qui va se passer à la fin des temps avec les Yahoud. Ils l'ont enlevé. Et ils ont dit oui, par-ci, à ça et tout ça. C'est mieux qu'on garde le livre et on enlève juste cette chose-là. Comme quoi les musulmans, ils vont harab les Yahoud, etc., etc. Ah, tout de suite, ça, ils l'ont enlevé. Eux, dans leur Talmud, hein, ils disent qu'on est des singes. Ils disent que les êtres humains sont des singes. Mais Allah leur a donné, ta'ala Allah amma yaqulun, Allah leur a donné l'image d'un être humain pour pas que eux ils aient peur de nous. C'est-à-dire que nous, on est des singes à leur service, mais le visage, l'akhtara, c'est par rahma que tu as un visage comme ça. Sinon, tu seras un singe. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qirada wal khanazir » sur eux. Allah musta'an. Allah musta'an. Eux, ça, c'est écrit dans leur livre. Si tu prends leur livre, tu lis ça. C'est dans leur aqa'id. Mais nous, hakada. Daiman al-khouf. Léj al-khouf. Il me traite de singe, au minimum, je peux le traiter de singe, moi. Sah, au minimum. La justice, c'est quoi? C'est celui qui m'a dit singe, je lui dis c'est un singe. Wa in aqabtum fa aqibou bimithli ma aqibtum bi. Sah, halal. Léj, il me traite de singe. C'est toujours dhul. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours dhul, dhul, dhul, dhul. Reste medhloul. Allah musta'an. Allah musta'an. Quand je dis reste medhloul, c'est ironique, hein, les frères. Hein. C'est pas pour rester medhloul. Hein. Qu'Allah nous défende et qu'Allah nous facilite, Allah musta'an. Ensuite, ah, il a changé là. Hein. Attention, c'est toi qui as fait ta tahrif là. Hein? Ah, chauffe. Vous avez compris? Donc, ce qu'il faisait, il falsifiait, il changeait. Mais il y a des gens qui vont me dire, oui, mais pourquoi il falsifiait? Pourquoi il falsifiait ces choses-là? Et pourquoi, Yanni, ce n'était pas préservé, les écrits n'étaient pas préservés directement par Allah? C'est ça que vous pouvez poser comme question. Et la réponse, elle est dans le Coran. Allah, il est « bimastuhfidhu min al-kitab ». Allah subhanahu wa ta'ala a dit de par rapport à ce qu'on leur a demandé de préserver le livre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur les Yahoud et sur les Nasara que ces gens-là, ils avaient l'ordre, leurs rabbins, leurs rébis, etc., ils avaient l'ordre de préserver le livre. Et de par le fait qu'il a eu cette erreur humaine, cette erreur qui est grave, hein, cette erreur, dans l'histoire, Allah n'a pas voulu que ça se répète. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on ne pourra pas venir yom al-qiyamah, oh si on avait eu cette amana, on l'aurait préservée. Non, puisque vous ne l'avez pas préservée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, hein, a montré dans l'histoire qu'il y avait des gens qui changeaient les choses, qui changeaient les écrits d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Et là il te ramène le verset inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Le Coran, hein, c'est nous qui avons descendu le rappel, le Coran, et c'est nous qui allons le préserver. Le préserver de toute falsification, le préserver de tout, hein, de toute chose, hein, etc. Et regardez, le Coran, c'est le seul livre, subhanallah, depuis des siècles. Ça, c'est une ayah. Ça, c'est une ayah. En soi-même, c'est une ayah. Cette ayah vous suffit. Ce signe d'Allah doit suffire aux gens, pour les gens qui réfléchissent. Un Coran qui existe depuis des siècles et qui n'a jamais été falsifié. Et Dieu sait, et Allah subhanahu wa ta'ala sait, et j'ai lu des articles sur ça, qu'il y a des gens qui ont essayé de harraf le Coran. Il y en a même qui ont essayé de rajouter des sourates du Coran comme les Rafidah. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Regardez Allah quand il veut préserver une chose. Et c'est ce même ilah, ce même Seigneur qui va préserver sa religion. Et qui va préserver son dîme. Et qui n'a pas besoin des êtres humains. Subhanallah al-Azim. Wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Et si vous détournez de ce message, yastabdil qawman ghayrakum, Allah vous changera par un autre peuple. Thumma la yakunu amthalakum, et ils ne seront pas comme vous. Ah, pas besoin de nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani, il n'a pas besoin. Donc là, on voit bien, premièrement, il y a deux éléments qu'il faut retenir dans les textes ici. Le premier, c'est que le Coran, il est clair. Et c'est que dans les sujets subtils qu'on va apporter l'établissement de la preuve. Après, ça peut être relatif, ce qui est subtil. D'accord ? Ça peut être nisbi. La deuxième chose qu'on va retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont falsifié quoi ? Le Coran, leurs écrits, les textes. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala a quoi ? Les a blâmés. Vous avez bien compris ça, Inch'Allah ? Allah les a blâmés. Pourquoi les a blâmés ? Parce que, à la base, les textes étaient clairs. Pourquoi vous venez et vous voulez changer ? Et la même chose a été faite par qui ? Par Al-Mubtadi'a. Al-Mubtadi'a, ils ont eu les textes clairs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu tortiller et falsifier. Pourquoi, quand une chose est claire, tu veux la falsifier ? Parce que c'est ton hawa, parce que c'est ta passion que tu veux suivre, qu'Allah nous en préserve. Donc on a bien quoi ? On a bien les preuves maintenant. Regardez, Cheikh Al-Uthaymin, il vous ramène la règle, il vous ramène les nosos, d'accord, les textes, et maintenant il va ramener même le aql. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الْمُتَكَلِّمْ بِهَذِهِ النُّصُوصِ أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ خَاطَبْنَا بِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمُبِينِ فَوَجَبَ قُبُولُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِلَّا لَاخْتَلَفَ الْآرَاءُ وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ. طيب vas-y. Et après on s'arrête là, inshallah. Lorsqu'il dit cela, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des avis qui sont partagés maintenant dans la Ummah. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des avis qui sont partagés, même dans le tafsir, etc. C'est vrai. Pas dans la aqidah. Pas dans la croyance. Pas dans les usul. Vous avez compris? Il n'y a pas de khilaf dans cela. Dans les usul, il n'y a aucun khilaf. D'accord? Dans les usul, dans les bases, il n'y a aucun khilaf. Je le répète, il n'y a pas de khilaf et l'aqidah. Amma, peut-être dans certaines questions secondaires ou alors de fiqh, là il peut y avoir quoi ? Il peut y avoir des khilaf, oui, mais pas sur les bases. Il y a un khilaf sur Tawhid Rububiyya, il y a un khilaf sur l'Uluhiyya, il y a un khilaf sur l'Iman bil Malaika, il y a un khilaf sur. Là, il n'y a pas de khilaf sur ça, mafoum. Après, il peut y avoir un khilaf quand il y a un hadith sahih ou un hadith da'if, comme on avait dit, sur des masail, sur les asma sifat, que certains voyaient que ce hadith-là il était sahih, donc yuthbit, et d'autres non, etc. Mais est-ce que sur l'asl, sur les bases, sur les fondements, il y a un khilaf ? Là, d'accord ? Et c'est souvent, vous verrez, c'est souvent dans le fiqh qu'il y a énormément de paroles de khilaf. Ou alors sur des termes qui sont dans le Coran, mais qui sont toujours de l'ordre de la langue arabe. Et en vérité, même le tafsir ici, le tafsir, souvent vous allez voir deux tafsirs, l'un complète l'autre. Quand tu vas étudier le tafsir, tu verras que l'un complète l'autre et l'un finalise la bonne compréhension de l'autre. Vous avez compris ? Ou alors l'un peut être compris et l'autre peut être compris dans un sens, mais ça reste toujours dans le même sens. Amma, sur les fondements et sur les choses, là, ça y a pas. Ça y a pas de khilaf. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc là, il veut t'expliquer. Il te dit, premièrement, la parole d'Allah, elle est claire. Et l'établissement de cette preuve-là, qui est le hujja, qui est le Coran, est clair. Ensuite, il te dit quoi ? Il te dit que la yajouz tahrif, il a parmi en premier, parce que là il va parler du tahrif, ensuite il va parler de quoi ? Il va parler du takyif, d'accord ? Et il va parler des autres. Nous on commence par les, je vous ai dit toujours les quatre ta, les quatre ta. Le premier ta, c'est quoi? C'est tahrif, la falsification. Tu dévis le texte. D'accord? Ça, c'est haram. Bidalil ish. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Apprends le dalil par cœur. Et apprends le dalil par cœur aussi, que le Coran il est clair. Coranun arabi mubin. D'accord? Apprends-le. Et à partir de ce moment-là, tu sais que il y a des gens qui ont falsifié et que le Coran il est clair, tu n'as pas le droit toi de venir et de faire la même chose qu'ont fait les oumam avant toi. Mafoum? Donc le tahrif, c'est haram ou c'est pas haram? C'est haram. Pourquoi? Parce qu'Allah il a dhamm, Allah l'a blâmé dans le Coran. Vous avez compris ça, inshallah? Donc ça, c'est la première des règles que vous apprenez. Encore une nouvelle règle dans l'asma sifat. Et ensuite, par le aql, même le aql n'accepte pas le tahrif. Pourquoi? Parce que si une personne était amenée à faire un tahrif d'une manière, et l'autre d'une autre manière, et l'autre d'une autre manière, et détourne le sens ou l'essence du, le sens du texte, hein, dans sa généralité et dans sa globalité, à chaque fois, hein, à chaque fois il y a quelqu'un qui vient et qui nous le harraf, là, il va y avoir des grands irtilafats, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Asha'ira, ils ont harraf, les Jahmiya, c'est eux les premiers, ils ont harraf, ensuite il y a eu Al-Maturudiya, ensuite il y a le Kullabiya, ensuite ils finissent par ya. Toutes les sectes là qu'ils ont, chacun il a fait son tahrif à lui. Il a dit non, c'est moi qui ai raison. Non, tous ces khilafs là qu'ils ont, hein, prouvent que cela ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les sahaba ils ont partalef? Parce qu'ils ont eu la bonne compréhension. Et c'est pour ça qu'Allah nous a ordonné de revenir sur leur compréhension. Ils n'ont jamais parlé sur l'istiwa, ils n'ont jamais parlé sur l'yed, ils ont compris tout de suite que ces noms et ces attributs revenaient à celui qui s'est attribué et qui s'est nommé par cela, et que cela lui est propre. Khalas. Laysa kamithlihi shay wa sami' al-basir. Amma les gens qui sont venus après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont harraf. Pourquoi ils ont harraf? Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin de qui? De sahaba. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. À partir du moment où toi, tu ne suis plus سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, سَبِيلِ sahaba, forcément tu t'égares. Qu'Allah nous en préserve. Fahim tu miyakwan? Vous avez bien compris cette règle-là? Donc le tahrif ne fait pas partie, hein, de notre...